rien à faire de leur routine. Leur effet de mode et tout ce qui brille. Image brouillée dans la rétine. Le monde avance et moi je roupille. Dans les nuages comme les syllabes. Je vous entends plus qui est-ce qui rage. Je parle du monde et ce qui l'entoure avec des phases et des syllabes. Frère, c'est pas la fête, moral en baisse, pris par la peine. Dehors ça plante pour quelques pièces. Ils veulent la guerre et pas la paix. Parfois trop bu, j'en ai trop vu. Voilà ce qui me démange, ça fait imprévu. Je me fais pas de film car c'est la mort qui nous attend. Oui, je vis dans le passé, mais je forcerai pas pour qu'on m'écoute. Ferme la écoute, une heure est chère, la vie est belle pour qu'on les courte. Mate, les fleurs se fanent sous les fenêtres, on les calcine. Depuis que la drogue divise ce monde à base de coke ou kétamine. Aujourd'hui 33 piges, il me reste quoi ce que j'ai vécu. Quelques passages me tordent d'esprit avec des pensées ridicules. Des rires et quelques larmes, ces jours où je me suis tu. Je sais même plus, j'ai pas te mentir, je sais même pas où je les situe. Indécis et forcément, les cœurs se barrent en dépression. Réponds toi-même à cette question, comment commence la répression. La zig, j'ai besoin d'elle, un bien inestimable. J'aimerais pourtant m'en éloigner, y mettre un terme et point final. Elle m'emprisonne, elle me libère, me réchauffe en plein hiver. J'en frissonne, j'en fais des tonnes, elle me résonne quand ça galère. Je tourne inconsciemment, je me laisse aller même si je m'y perds. Je sais qu'elle mène à rien, qu'un morceau n'est qu'éphémère. Terrain glissant, tout va si vite, pas de quoi se cramponner. T'enchaînes les merdes et les échecs avec la paye d'un cantonnier. À ceux qui sortiront, même si la poisse leur colle aux trousses. Au bout du compte, on est que des pions qui mènent des vies, qui parlent à tous, les gars. Avancer, faut marcher seul sans faire le choix de s'affaire autrui. En marche, le seum remplissent en faire de joie quand les apéros truines bâtir sa vie. Non, non, détruire le quart de pute là de chez moi. Je m'attarde plus, cerné par ces regards de pute là chez moi. Touché par quoi, ma triste mère, c'était but d'alvici, mes crises de nerfs. Sachant qu'avant que je débarque, c'était plus calme ici. Toutes ces douleurs et belles rencontres. Ouais, par le fait de vous dire dans mes chansons que tout est couleur et belle rencontre. On retranscrit nos plaies, skissant les 17 ans. On s'ouvre, on parle avec nos cœurs, les skissant les 17 ans. Un petit peu crève et ça dépasse, un petit peu de trêve mais ça l'est pas. Un petit peu rêve que les années passent, maudissant les 17 ans. Blasé, Mossad aussi, t'en exploiterait, que reste-t-il. Visage marqué, on s'adoucit, dans les sports, les cœurs, elles se tirent. Crit en quoi, c'est l'encéphale, crit en quoi, c'est quand c'est faille. Dans un trop plein d'amour, on se prête en coin, c'est quand c'est fade. Nos vies, c'est chaque faux départ. On vole bon décampé, on pense ou croit donc être en paix. Quand nos vies échappent au départ, on traîne des queues, ça n'en comprend. Rempli sans intérêt, les nerfs en prime sans s'altérer. On dégaine que ça t'en comprend, banal. Lacune, ces peines sont des plus virulentes. Chacune s'éteigne, résonne en tête comme le son des plus virulentes. Un brasier nocif. Ouais, H24 sur la défensive. Et dans les sports qu'on sent un prince inoncif. La tête au fond pour surmonter quand blamanter semblable. Pas lamenter quand surmonter quand blamanter sans blague. Au final il restera quoi de ce que l'on patine. Au tas d'erreurs la plus grossière sera de croire que l'on patine.